5 juin 1985, ouverture des yeux dans le 92, mais mon destin me conduira dans le 93. Au cimetière des HLM. Arrivé de l'exil 1991. 6 ans, ma vie défile et les saisons me rongent. Père sans un sou, souvent sous. Au point de battre la femme et les enfants qu'il aime. Au point même d'apporter la haine. Alors les flics frappent à la porte. Emporte mon père et ma toute première vision des menottes. Ma mère en pleure, même pas la voix d'une assistante sociale. Qu'elles aillent faire foutre, elles sont pas là quand moi j'ai mal. Père en prison, mère qui perd la raison. Et les huissiers qui dévalisent toute ma maison. Passer l'enfance brisée du 93. Car ça pèse sur la conscience d'une victime que la vie pèse. 96, premier bédo, première sèche. J'assiste à l'école, des heures de colle, assis sur une chaise. Et manque de peau, trop pas battu pour relever la tête. Le touchy me tue et les études me font mal à la tête. Je n'ai pas voulu l'orage. 9-9, la galère pousse ma jeunesse dans ce monde si atroce qui m'attire dans la tristesse. Nuit blanche, mon cœur pourri entre quatre planches. Plongé dans l'amertume des études et une vie sans thune. Alors j'explose le rap, le poème et les proses. La vie me propose des chrysanthèmes et moi je préfère les roses. J'ai vécu dans l'alcool, à croire que la vie c'est cool. Je voulais que mon esprit décolle et que mes larmes s'écoulent. Car mon cœur saigne, la vie fait mal quand elle enseigne. J'aurais voulu emmener ma mère loin des pinets sur scène. Pas dans un F3, trop étroit, 6ème étage. Sans ascenseur, mais à quoi ça sert? Alors on serre les coudes, mais là faut plus que je déconne. Quand je vois ceux qui traitent leur mère de pute ou de conne, j'demande du respect, à croire que je respire la mort. Les cicatrices fragilisent mon corps. J'ai pas voulu la vie, mais pourtant me la donner. J'ai pas voulu la vie, mais pourtant me la fait peur. J'ai pas voulu la rage. J'ai pas voulu l'orage. J'ai pas voulu tes cris, mais pourtant je les ai supportés. J'ai pas voulu les cris, seul mon cœur m'y a poussé. J'ai pas voulu l'orage. Et la douleur m'accueille, je veux pas de famille d'accueil. Malgré ma mère qui titube vers le cercueil. Dépression, de la boulimie à l'anorexie. Autant de secrets que dévoile mes récits. Celle qu'aura veillé sur moi depuis ma naissance. J'ai 10 textes et toute ma reconnaissance. Comment rester muet, faut que je me remuais. J'ai de la buée dans les yeux. Mais dis-moi comment je peux faire mieux. C'est mon histoire, des drames aux pensées de l'homme. Trop endetté car j'ai trop dépensé de larmes. Je perds la vie de rêve que ma tête effrite. J'ai oublié que les années sont passées bien vite. Aujourd'hui 20 ans, des souvenirs rançants. Des MJC où j'avais du rap dans le sang. Je crois que je perds mon temps dans ces thérapies. Je crois que Dieu m'épie. Et pire qu'il ne me laisse aucun répit. J'ai pas voulu la vie, mais pourtant me la donner. J'ai pas voulu la vie, mais pourtant me la fait porter. J'ai pas voulu la rage. J'ai pas voulu l'orage. J'ai pas voulu tes cris, mais pourtant je les ai supportés. J'ai pas voulu les cris, seul mon cœur m'y a poussé. J'ai pas voulu la rage. J'ai pas voulu l'orage. J'ai pas voulu l'orage. Thérapie de l'âme. Encore un cri du macadam. Restez en paix.